Tu sais pourquoi les illusions sont dangereuses? Ce sont des ombres qu'on ne peut pas attraper. 7 jours, 168 heures, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. C'est normal d'avoir peur. Mais je sais que tu en es capable. Paul, tu dois terminer la mission.